Serai bref en introduction ce soir parce que j'ai une émission tellement chargée que chaque mot de trop dit éliminera potentiellement une pièce de la programmation. J'aurais préféré que ce soit des auditeurs, mais bon, je n'aurais pas pu placer plus de 2 ou 3 mots. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsque ces mots se transforment en mots. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré, cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated, cause I, Pendragon, said so. Spécial Canadian Metal Assault. Go!

Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation ce 19 avril de l'an de disgrâce 2016. Je suis le Dr. Payne Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. Effectivement, ce soir, mis à part une courte pause, nous aurons une totale programmation consacrée au métal canadien, le Metal Canadian Assault. Je l'ai baptisé ainsi parce que je trouvais que c'était très simpliste à comprendre. toujours très aimable, ce doc. On vient d'entendre la formation Sacrifice. Une pièce, tirée de leur dernier album, paru en 2009. Il y a quand même déjà, je dirais, c'est pas loin de 7 ans, là. Hiroshima, qui est tirée de The One I Condemn, qui était apparu sur l'étiquette Marquee Records. À l'époque, lorsque j'avais rencontré Robert Binati, je lui avais demandé est-ce que c'est dans les plans de Sacrifice de réenregistrer éventuellement. Il m'avait dit non, ce n'est pas dans les plans. Ce n'est pas un non catégorique, mais ce n'était pas dans les plans. Ça reste à voir. Juste avant, nous avions Exciter, formation ontarienne, également l'instar Sacrifice. La pièce titre de leur dernier album paru en 2010, soit Death Machine, qui est paru sur Massacre Records. Je sais que mon ami DJ Tower of Death a fait une entrevue avec Dan Baylor il y a quelques émissions de cela. Entrevue intéressante d'ailleurs sur la vision de Dan au niveau d'Exciter et des plans qu'ils ont et ainsi de suite. Donc, je crois que ce n'est pas une formation qui décide ou qui aura décidé d'arrêter ses activités de façon proche. Nous avions Razor également d'Ontario et la pièce Cross Me Fool qui est tirée du deuxième album Evil Invaders paru en 1985 sur Viper. Et nous avions ouvert avec Aggression, formation initialement québécoise et maintenant de la Colombie-Britannique, dont il ne reste que de la formation originale Dennis Sasquatch Bart, la guitare bien sûr, et la composition est probablement l'âme générale du groupe. Et d'ailleurs, ce sujet, si ça vous intéresse d'aller faire un tour peut-être aux États-Unis cet été, eh bien, vous pourrez peut-être, si vous allez faire un petit tour, regardez. Aggression prépare une tournée américaine qui portera le nom de Demons of the West Coast. Et ils seront ils débutent à Vancouver le 11 juin. Ils seront le 17 à Seattle, le 18 à Bremerton, le 19 à Portland, le 20 à Eugene, le 21 à San Francisco, le 22 à Los Angeles, le 23 toujours juin à Las Vegas. Et il y a des dates 24 et 25 qui sont à annoncer. Ça risque d'être... je trouve ça cool, là. Les gars, Denis, il a décidé qu'il arrête pas, il continue. Je trouve ça vraiment le fun de voir qu'il a pas perdu le feu sacré de sa musique. Et bien entendu, comme je le disais, ce n'est plus la formation originale puisqu'il ne reste que Denis. Sasquatch, vous préférez. On sait que Gate est décédé il y a quelques années. On sait que Butcher, le chanteur initial, ça fait déjà un petit bout de temps qu'il n'a plus rien fait avec Aggression. Tant qu'à Burn, j'ai aucune idée ce qu'il est devenu, malheureusement. Et tant qu'à Yves Doc Duguay, qui est retourné avec eux l'an dernier sur quelques dates pour leur première tournée de réunion, si on veut, il a été remplacé définitivement par je vais trouver son nom. Martin Mayer, je crois, oui. Martin Mayer qui semble remplacer définitivement Yves Doc Duguay, puisque il y a 5000 kilomètres qui les séparent l'un de l'autre. Hein. C'est pas évident de planifier des choses ensemble. Et aussi que Doug a eu quelques problèmes de santé par les années passées, donc c'est peut-être un petit peu trop pour lui maintenant. On va poursuivre ce spécial métal canadien immédiatement parce que comme je l'ai dit en entrée d'émission, il y a énormément de stocks que je voulais, j'en ai éliminé beaucoup, mais j'ai retenu ceux que je trouvais peut-être les plus significatifs, les plus intéressants. C'est subjectif, bien entendu. On va continuer avec la formation montréalaise, québécoise si vous préférez, Dead Brand Cell DBC. Et une pièce tirée de leur troisième parution qui se veut en fait un EP, un mini-album qui porte le nom évocateur de Unreleased. Donc, il s'agit de pièces qui avaient été enregistrées mais qui n'étaient jamais sorties de façon commerciale, si on veut. Et on va y aller avec la pièce Third Coming, qui pour moi est une excellente pièce de DBC. Et ça vaut la peine de découvrir ce et de ce EP Unreleased. Vous êtes à Réanimation. Salut, c'est Eddie, le guitariste de DBC, et vous écoutez Réanimation sur C'est Fou 89.1 FM Trois-Rivières. Come from heaven to deliver your souls. Don't shoot, I'm your savior.

Salut, ici Snake de Voivode. Vous êtes sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. 9h46, vous êtes à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFU 89.1 FM. On vient d'entendre ce deuxième bloc consacré à ce spécial métal québécois qui mettait à l'instant à l'honneur la formation de Vancouver, vancouverienne, oui, voilà. Zimmer's Hole. Et la pièce titre de leur deuxième album, Legion of Flame, qui est paru en 2001 sur Heavy Davy Records. Et si vous êtes attentif ou si vous êtes plutôt connaisseur du rock, vous avez reconnu dès le départ de cette pièce de fortes influences à peine modifiées d'une pièce de Connie Hatch et de April Wine. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup ce genre de réadaptation de segments de pièces ou de riffs qu'ils ont remanié quelque peu pour mettre un clou dans leur pièce. Je ne crois pas ici que ce soit une question de plagiat, mais plutôt une question de dire voici nos influences. Juste avant, nous avions Voivode, bien entendu, la pièce Tornado, qui est tirée de Killing Technology, qui est paru, lui, en 1987 sur Noise. Nous avions Oblivion, une formation québécoise, tout comme Voivode, bien sûr. Et la pièce titre de cet album, le troisième, Cyber Void, qui est paru en 95 sur ASC. voyons, ben, je veux dire, Oblivion, qui ont toujours le statut d'activité. Je crois qu'ils font des spectacles à l'occasion. C'est un bon album. Et on est ouvert avec Dead Brain Cell, DBC, et la pièce formation québécoise aussi, bien entendu, la pièce Third Coming, qui est tirée de Unreleased, leur troisième parution studio, qui se valait être un mini-album EP, qui est paru en 2002 sous étiquette Galley Records. Sans plus attendre, on va poursuivre avec le troisième bloc de ce spécial métal canadien, Canadian Metal Assault, avec en début de bloc la formation Insurrection, formation québécoise également, et la pièce Festin d'entrailles, qui est tirée de leur premier album Prologue, paru en 2008. Et encore aujourd'hui, je dois dire que j'aime bien cet album-là et j'ai vu quelques reprises Insurrection en spectacle et c'est vraiment très bien. Insurrection, go! Take control. Shadows and Dawn. Yeah! c'est le 89.9. C'est fou, 89.9. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Samedi 23 avril, le collectif Stomping Tree débarque au Zénob. Pour une soirée totalement festive, folk et blues trash, regroupant des musiciens de divers projets comme les Chiens de Ruelle, Street Meat, Old Crocodile ou Hard Up, soyez de la fête au Zénob pour le collectif Stomping Tree. Ce samedi 23 avril, 21h30. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le funk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Vous êtes assez fous pour l'écouter. 20h09 et tout va mal. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation, The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. On vient d'entendre la formation québécoise Gargots et l'excellente pièce Le Toit du Monde est tirée de leur plus récent album paru en 2015 sous étiquette Season of Mist, soit Colored Sands, qui était le cinquième album de Gargots. Toujours un bon spectacle à voir, Gargots d'ailleurs. Juste avant, nous avions la formation qui est actuellement, dans la plus peu tradition du terme, popularisé dans le monde du métal, On Hold, Neuraxis, et la pièce Monitoring the Mind qui est tirée de leur sixième album, Trilateral Progression, qui est paru sur Willowtip en 2005. Donc, on ne sait pas ce qu'advient de Neuraxis, mais le statut n'est pas encore déterminé, semble-t-il. Nous avions une autre formation québécoise. En fait, le bloc était complètement québécois, avec Cataclysm et la pièce In Shadows and Dust, tirée de l'album. Le sixième à être paru, Shadows and Dust, paru en 2002 sur Nuclear Blast. Et d'ailleurs, il faut mentionner qu'il y a quelques semaines, Cataclysm s'est mérité le Juno Award dans le cadre de l'album Metal de l'année, ce qui est pas rien pour une formation métal extrême. Donc, félicitations. Et on est ouvert avec la formation de Gatineau, si je ne m'abuse, je vais vérifier pour être certain. Oui, c'est en plein ça. Formation de Gatineau, Insurrection ou Insurrection, selon le cas. Notre formation québécoise, bien entendu. Et la pièce Festin d'entrailles qui est tirée de Prologue. Ah, ben, regarde donc. Mais salut, toi, c'est comment déjà? Je suis plus sûr, là. Ah oui, Horace, désolé. C'est drôle, Horace, mais j'ai toujours l'impression que tu dis la même chose. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Je vais faire une petite incursion dans le monde, continuons dans le monde musical, avec quelques trucs que j'ai écoutés dernièrement. Je vous parle de la formation Black Rainbows, qui est une formation italienne qui donne dans un psychedelic stoner metal, l'album étant Stellar Prophecy. Ils ont déjà quelques albums et moi je ne connaissais pas du tout cette formation, c'est par hasard que j'ai découvert et je dois dire que j'ai trouvé ça vraiment bien, vraiment bien. C'est une forme de, je dirais, depuis un certain nombre d'années, une mode, c'est un grand terme là, dans le monde de la musique underground, mais bon, j'en trouve pas d'autres, de vouloir ramener un peu l'esprit des années fin 60 et 70 au niveau du psychédélisme, de cette musique qui était, ma foi, fort révolutionnaire et audacieuse, de la ramener avec des formations qui sont actuelles. Et Black Rainbows le font de très belle façon. Je ne passerai pas à réanimation parce que ce style musical est peut-être un petit peu... ça prête moins bien à la programmation de réanimation, mais je me propose d'en passer à l'émission Rock Classique d'ici peu de temps. Autre truc, ça c'était par curiosité, je n'avais pas d'attente et en fait j'en avais plutôt une et elle s'est confirmée. Je parle de la formation Surgical Math Machine, qui est une formation de métal industriel américaine dont le leader est nul autre que Al Jorgensen. Qui est Al Jorgensen? Eh bien c'est l'instigateur et le leader de Ministry, bien sûr, groupe plus connu. Bien entendu. Qu'est-ce que c'est Surgical Math Machine, qui tout de même sont signés sur Nuclear Blast avec un album homonyme? C'est clairement ce que je redoutais que ce soit, c'est du Ministry, mais sous un autre nom. Et un peu comme ce que je reproche aux dernières parution de Ministry, ça me touche plus du tout, ce groupe-là. Je préfère vraiment ce qu'ils ont fait dans les années 90, voir quelques albums dans la premier décan de 2000. C'est tellement synthétique, c'est tellement... j'aime l'industriel, musicalement parlant, puis c'est très synthétique aussi, généralement parlant, mais ici, c'est beaucoup trop évident que c'est même à la rigueur, je dirais, un peu clownesque, surtout au niveau de la percussion, qui est évidemment, mais évidemment, du drum machine, si on veut, informatisé. Ça ne me plaît pas du tout. C'est dans le fond, mais pour dégager aucune espèce de groove, si on veut, de mood à travers ça. Ça sonne très sec. Il n'y a aucune profondeur dans cette musique-là, donc j'ai vraiment pas aimé. J'ai trouvé que Al Jorgensen devrait peut-être prendre une pause. Tout de même, il est relativement âgé. Il commence à être magané passablement aussi. Physiquement, il a l'air d'être magané. Il était malade aussi. Donc, je pense que le meilleur de sa carrière est derrière lui. Puis, il devrait s'arranger pour qu'on garde de bons souvenirs en tant qu'amateur du genre. Et j'ai pas aimé. Pas du tout. Par contre, ce que j'ai bien aimé et ce que je vous présente ce soir, c'est la formation italienne, encore une fois. Schizo, formation qui donne dans un trash metal, il a le qualificatif de Blacken, j'y crois plus ou moins. C'est un trio qui vient de Catania, en Sicile, qui en sont à leur quatrième album studio complet, qui porte le titre de Rotten Spiral. Honnêtement, moi, j'ai trouvé fort intéressant. C'est très minimaliste, par contre, comme musique, mais c'est intéressant. Il y a effectivement une belle ambiance qui s'en dégage. Je vous propose d'écouter deux pièces de cet album qui est disponible sous étiquette Punishment 18 Records, que je ne connais pas du tout, bien entendu. Je les connais pas tous, et loin de là. Deux pièces qui portent le titre respectivement de Skeptic Flesh et Neurotical Propaganda. Donc, allons faire une incursion à ce nouvel album de Schizo. Go! Go! La formation italienne Scherzo et deux pièces tirées du dernier album paru il y a très peu de temps, soit Rotten Spiral sous étiquette Punishment 18 Records, soit Neurotical Propaganda à l'instant. Et c'était précédé de la pièce Skeptic Flesh. Moi, je trouve que ça fait vraiment un bon travail, ce band-là. Le vocal est très bon. Musicalement, ça a beau être un trio. Ça sonne très bien. Bon, il y a peut-être des overdubs, évidemment, là. Mais ils prennent de la place et j'aime ça. Je lui accorderais une excellente note si j'en donnais encore. Et peut-être que je vais recommencer éventuellement. Bref, moi, je vous incite à écouter ce quatrième album. Et probablement, ce qui s'est fait aussi avant doit être fort intéressant. Je me propose de le découvrir. Skeezo, voilà. Côté cinéma. Eh bien, ce que j'ai écouté depuis la dernière édition de Réanimation, soit mardi dernier, film d'horreur qui met en vedette Liam Cunningham, qui est un acteur connu, puisqu'on le voit énormément dans Game of Thrones, ainsi que Pollyanna McIntosh. Il s'agit de Let Us Pray, qui raconte l'histoire d'une agente de police, de police qui est récemment transférée dans un village de campagne, les gars. On dirait qu'il n'y a pas homme qui vive là, et qui arrête le seul criminel du coin, qui est un jeune qui a des délituites à son parcours, et elle le voit frapper quelqu'un dans la rue. Il roule à grande vitesse dans un milieu urbain. Et elle le voit, elle l'arrête, et la personne frappée n'est plus là, donc bon, c'est un peu mystérieux. Elle amène au poste de police pour découvrir que c'est assez étrange. Il y a des traces de sang sur la voiture, mais il n'y a aucune trace nulle part. Donc, au poste de police, on demande au patrouilleur de retrouver ce personnage-là dont il fait la description. On le trouve, on le ramène au poste de police, et ce personnage a des propos assez étranges qui ont rapport parfois avec la Bible et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'il est là pour le châtiment des criminels ou de ceux qui ont des choses à se reprocher, des toutes sortes de mauvaises actions qui sont refoulées. Bref, l'idée de base était bonne, mais malheureusement, le film est un peu décousu. On manque un peu de suivi au niveau des détails. On se pose certaines questions à certains moments donnés. Pourquoi telle chose arrive? On n'a pas d'explication. Donc, c'est un peu décevant. C'est correct, mais tout de même, c'est pas le film de l'année. Ça peut être vu si vous n'avez pas d'autre choix. Autre truc que j'étais curieux de voir, c'est Crouching Tiger, Hidden Dragon 2, Sword of Destiny. Le premier de Ang Lee m'avait bien plu il y a un certain nombre d'années. Film d'arts martiaux, bien entendu, film asiatique. Le genre de film qui se peut pas, mais c'est ça qui donne le charme à ce genre de film-là. Je me suis dit, avec Jason Scott Lee, OK, je vais lui laisser une chance. C'est moyen. C'est un film qui est paru sur Netflix. C'est assez moyen. C'est pas dans le mauvais, mais il y a rien d'extraordinaire là. Et ça l'a perdu son charme. En fait, le charme que Ang Lee avait apporté, l'aspect plus fantastique, si on veut, ça l'a perdu. Donc, c'est encore exploité un titre qui a eu du succès et de pas être capable de le rendre à la hauteur du premier, ce qui est souvent le cas. Et semble-t-il que ça doit être assez dur aussi. Autre film que j'ai vu, qui est un film italien de Stefano Sollima, c'est Subura, où je ne peux pas vous dire quelle est la signification non plus, et qui est un film à connotation criminelle. Ça aussi, c'est relativement long par moment, mais contrairement à plusieurs films que j'ai qualifiés de possédant plusieurs longueurs, celui-là comporte quand même un certain charme. Relativement violent par moment, et puis Subura, c'est le quartier malfamé de Rome, puis c'est un lieu où il y a plusieurs projets immobiliers d'ambition, et le Vatican et la mafia y sont impliqués, donc on peut voir déjà que c'est pas ce qu'on croit de ce qu'on croit. Donc c'est intéressant comme film, Subura. Mais encore là, ça devrait peut-être pas être votre premier choix. Par contre, ce qui devrait être votre premier choix, et sans l'ombre d'un doute, présentement, c'est The Walking Dead, saison 6. Bien sûr, une série d'horreur de zombies de Frank Darabont qui met en vedette Andrew Lincoln, Norman Reedus, l'excellent Norman Reedus. Et pour ne nommer que cela, Danny Gurira, vais-je le dire, Michonne. Cette sixième saison, il ne me reste que 2 épisodes sur 16 à visionner, et à moins de revirement de situation vraiment inattendue et désastreuse, je peux vous dire qu'elle est excellente. Elle est pleine d'action. Elle est vraiment tient le spectateur en haleine et on n'a pas l'impression de voir passer l'épisode. Donc, The Walking Dead saison 6, moi je le recommande à tous ceux qui ont embarqué depuis la première saison, et je recommande à tous ceux qui n'ont pas suivi The Walking Dead de le faire et de s'y mettre immédiatement, ben après l'émission évidemment. La semaine prochaine, je vais vous parler de un film policier connotation thriller Misconduct qui met en vedette Anthony Hopkins, Al Pacino et Josh Duhamel. C'est un film de Shintaro Shimosawa. Et ça raconte l'histoire d'ambitieux avocats qui se mettent en tête d'attaquer le puissant dirigeant d'un groupe de pharmaceutiques. Ça risque d'être fort intéressant. Anthony Hopkins, c'est vraiment pas un mauvais acteur. Et autre chose que je vais vous parler fort probablement, c'est que je vais m'attaquer à la première saison de la série Outsiders qui met en vedette, entre autres, Ryan Hurst. Rappelez-vous de Hoppy dans Sons of Anarchy. C'est une série qui raconte d'un clan, les Farrell, qui vivent dans les Appalaches aujourd'hui, demain ou hier, je sais pas, non, actuellement, et qui a toujours vécu dans le Kentucky rural et qui lutte pour le pouvoir et le contrôle de ses terres, coupées du monde moderne. Cette famille de hors-la-loi use tous les moyens nécessaires pour protéger son monde et son mode de vie. Donc, ça risque d'être vraiment excellent. J'ai vraiment hâte de m'attaquer à The Outsiders et je vais probablement pouvoir vous en parler la semaine prochaine. On va continuer musicalement avec ce spécial metal 1900. Qu'est-ce que je fais là? 1900 fait plus, oui. Metal canadien avec cette fois-ci 4 formations qui sont respectivement de l'Ontario, de Montréal, de Colombie-Britannique et du Québec. Ben, Montréal, Québec, bien sûr. Et on va débuter le tout avec un classique des classiques du métal, soit Anvil et la pièce titre Metal on Metal. Vous êtes en réanimation jusqu'à 21h. Go! Oui, on entend la formation Beyond Creation et la pièce Neurotical Transmissions qui est tirée de Earthbound Evolution, la dernière parution, le deuxième album studio complet de la formation en 2014 sous Season of Mist. Formation québécoise. Juste avant, nous avions la formation de l'Ouest canadien, British Columbia, soit Defunct aussi, Strapping on Lad et la pièce, l'excellente pièce Far Beyond Metal tirée de l'album de New Black. C'était le cinquième de Strapping on Lad, paru en 2006 sous étiquette Century Media. Nous avions Buffalo Ferry, formation de Québec, Montréal, et la pièce Conspiracy in Paranoland, c'est tirée de leur tout récent EP, le deuxième, paru en 2016, il y a quelques semaines à peine, sous Stand Production, soit Skeptic Knight. Et nous avions ouvert avec un classique du métal ontarien et du métal tout court, soit Anvil, la pièce titre de cet album Metal on Metal, paru en 82 sous Attic. C'était le deuxième de la formation Anvil. Cette semaine, si vous êtes amateurs de rock, et nous l'espérons tous, je vous invite à vous joindre au Rockmaster et à moi pour Rock Classic dès 11h. En fait, le Rockmaster cette semaine exceptionnellement, débutera à 10h parce que c'est une émission qui est si je parlais d'émission chargée ce soir pour réanimation, celle-là l'est autrement plus. C'est un spécial 1966. Il y aura énormément de trucs qui vont s'adresser à 98,9% à l'année 1966, qui était une année qui aura vu naître beaucoup beaucoup d'éclosions au niveau du rock, vais-je le dire. Bon, dès 10h exceptionnellement ce vendredi, Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. Moi, j'y serai, mais à l'heure habituelle, soit 11h. La semaine prochaine, moi, je vous propose une émission relativement régulière. Par contre, c'est la dernière émission du mois, donc je vous propose un album marquant pour moi, bien sûr, et la semaine prochaine, ce sera un album de Six Feet Under. Si vous voulez savoir lequel, j'alterne encore entre deux, bien allez sur le site réanimationad.com cette semaine, probablement à partir de demain, et vous allez pouvoir voir dans la section spéciale quel sera l'album présenté. Il y aura peut-être des nouveautés, c'est à voir s'il y a quelque chose qui me plaît. Et aussi, si vous êtes amateur de métal, bien j'imagine, si vous écoutez Réanimation, eh bien, vous pouvez en écouter une autre émission qui est le vendredi dès 18h30 avec notre DJ Tower of Death, Sylvain Latour, l'émission Subversion dès 18h30 sur Québec, Underground Québec, pardon. Bonne émission. Et si vous voulez avoir d'autres trucs qui ont rapport à l'Underground, allez faire un tour sur le blog de mon Sinistros d'ancien existant, hurlemort.com. On va se laisser avec ce que je croyais qui était pour arriver, c'est-à-dire non pas une totalité de ce spécial canadien, je manque littéralement de temps. On va entendre à l'instant la formation ontarienne Adrenochrome et la pièce Hideous Appetites qui est tirée de Tales from Adrenochrome. J'ai comme l'impression que ça va probablement être à peu près tout, malheureusement, parce que je ne crois pas avoir le temps. Et peut-être, si jamais j'arrête de parler, peut-être Gomorrah et la pièce de Dismantling the Throne qui est parue sur leur dernier album The Arrow Specs, à la fin de 2015 sur Tessio Metal Records. Les gens de Matière Noire s'en viennent pour 21h. Et moi, je vous dis à ce vendredi Rock Classique. Et pour le métal, je vous dis à mardi prochain pour une édition de réanimation. N'oubliez pas d'aller toujours faire foutre, see you.